dit tout ça. Musique de jazz m'étourdissante dans une ambiance haletante. Vous allez nous parler d'un avenir meilleur. Et c'est tant mieux, mes amis, mes idoles, mes nuages bleus. Les canettes pour les têtes, aussi l'esprit de la fête. Les bouteilles vides ce soir nous débrouillent. Les canettes qu'on était, voici l'esprit de la fête. Les bouteilles vides ce soir nous dérivent, nous dérivent. Des rythmiques de guitare étourdissantes, une batterie brillante. Un chant enchanteresse qui parmi ces syllabes de slave, resta bilisante avec en moins de rien la basse. Les bouteilles vides ce soir, on les bruit, on les rit. Les canettes qu'on était, voici l'esprit de la fête. Les bouteilles vides ce soir, on les bruit. Santé.